بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده. فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. فهذا لقاؤنا الرابع إخوة الإسلام حول كتاب الشيخ العلامة الدكتور ربيع حفظه الله تعالى، منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، فيه الحكمة والعقل. فخيرنا الله عز وجل، c'est notre quatrième cours autour de ce livre, de ce noble livre, de son éminence الدكتور ربيع حفظه الله تعالى، dont le titre est la sagesse et la raison et dont la voie de la دعوة des messagers عليهم الصلاة والسلام. فرأينا أنهينا قراءة مقدمة الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى لهذا الكتاب، ورأينا في الحلقة الماضية أن الشيخ الفوزان أقر الرد على المخالفين وأعده من النصيحة، فلا نهرف بما لا نعرف، ولا نسمع للمخرفين الذين يقولون أن الردود هذه فقط منهج الشيخ ربيع والشيخ النجمي رحمه الله والشيخ عبيد. فها هو الشيخ الفوزان من هيئة كبار العلماء يقر الشيخ ربيع ويقر الرد على المخالفين، وأعد الشيخ ربيع حفظه الله من العلماء القائمين بهذه النصيحة، وهي بيان منهج المخالفين لدعوة الرسل، وأن الشيخ ربيع وضح منهج الأنبياء رحمة الله عليهم. Et dans cette, puisque nous venons de terminer la préface qu'a fait son éminence Cheikh Al-Fawzan حفظه الله تعالى au livre de Cheikh Rabi, nous avons vu à la fin de cette préface où Cheikh Al-Fawzan approuve la réplique et nous montre que la réplique fait partie des actes des gens de la Sunna et de ceux qui sont unanimes sur la Sunna et ceux qui suivent la voie de leur plusieurs d'Allah. Et Cheikh Rabi' considère la réplique comme un conseil dans la religion. Qu'on n'écoute pas ceux qui disent n'importe quoi, que le fait de répliquer à ceux qui sont en divergence avec la Sunna, c'est une voie innovée par Cheikh Rabi, par Cheikh Obeid, par Cheikh Najmi, rahmatullahi alayhim, wa hafidallahu al-ahya. Et Cheikh Al-Fawzan considère, dans cette préface, comme nous l'avons lu l'autre jour, considère Cheikh Rabi comme l'un des savants qui accomplissent ce devoir et ce pilier qui est le conseil et cette réplique. Et il fait partie des gens qui répliquent à ceux qui sont en divergence avec la Sunna et à ceux qui sont en divergence avec la voie du prophète alayhi salatu wasalam, dont da'wa ila Allah subhanahu wa ta'ala. Et il fait partie des gens, c'est-à-dire Cheikh Rabi', hein, des gens qui y éclairent les musulmans et la jeunesse musulmane sur la voie du prophète alayhi salatu wasalam. Kadalika min al-umur tasma min ha'ulai al-mulaffiqin الذين يلبسون الأمور على الناس، يقولون لك أن هذه الجماعات كمثل الكليات في الجامعة الواحدة، مع أنها جماعة متخالفة فيما بينها، بينهم اختلاف كبير، يضلل بعضها بعضا ويكفر بعضها بعضا، لكنهم يتحدون لمواجهة الحق وأهل الحق وحرب السلفيين أصحاب هذه الدعوة المباركة، دعوة الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم أهلا لها، ويرمونهم كما يقال بسهم واحد. وهكذا أهل الباطل تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، فترى اليهود من حولك مختلفين إلى 71 فرقة، والنصارى إلى 72 فرقة، لكن عندما يهاجهون الإسلام يأتلفون. فانظر الذي جرى ويجري على الساحة الإفغانية والعراقية وغيرها. Tu entends, frère, en Allah Azza wa Jal, de la bouche, sortir de la bouche de ceux qui déguisent les situations et qui jettent les ambiguïtés dans l'esprit de notre jeunesse, que ces groupes qui existent sont comme les facultés dans une seule université. Alors que ces groupes sont en divergence entre eux, les uns rendent les autres mécréants, les uns rendent les autres des égarés, mais ils s'allient tous pour combattre la vérité, pour combattre les gens de la vérité, pour combattre la salafia et les gens de la salafia, pour combattre cette da'wa binit min Allah subhanahu wa ta'ala, qui est basée sur le livre d'Allah et l'authentique de la sunna du prophète alayhi salam et la voix de plusieurs d'Allah. Que Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous soyons dignes de cette da'wa et de cette voix de nos plusieurs d'Allah. Et tous ces groupes sont, comme on dit, tirent la da'wa salafia par une seule flèche. Ils s'unissent. Et là, on est ainsi des gens du faux. Et là, on est ainsi des égarés. Tu crois qu'ils sont unis, mais leurs cœurs sont partagés. Si tu vois, les juifs sont divisés en 71 groupes, les chrétiens en 72, mais quand ils attaquent l'islam, ils s'unissent. Regarde ce qui se passe sur le terrain afghan, regarde ce qui s'est passé en Afghanistan et en Irak. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve et que Allah subhanahu wa ta'ala nous éclaire sur la voie de nos plusieurs doigts, Allah alayhi. كذلك الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى في هذه المقدمة نبه على هذه الجماعات المخالفة لمنهج الأنبياء، وأن هذه الجماعات تشكل خطرا على الإسلام قد يصد عنه من أراد الدخول فيه. Aussi, l'un des points sur lesquels il a attiré l'attention Cheikh Fawzan dans cette préface, c'est que ces groupes qui sont en divergence entre eux et qui sont en divergence avec la voie du prophète sont en danger pour l'islam. Peut-être ils empêchent ceux qui veulent rentrer dans l'islam. Quand ils les voient, ils voient toute cette divergence, ils l'empêchent, sont un obstacle pour que certains ne rentrent pas à l'islam. كذلك نبه على امر مهم ف وهو إقراره بالرد على المخالف. Aussi, dans la préface, comme nous l'avons vu, il a confirmé comme quoi الرد, la réplique, est quelque chose de très important dans l'islam. فهذه الجماعات تشكل خطرا على الإسلام لأن إخواننا الذين أكرمهم الله سبحانه وتعالى بالدخول في الإسلام لا بد من إزالة العقبات أمامهم. Et ces groupes, il n'y a aucun problème qu'ils sont en danger sur le chemin de ceux qui veulent rentrer dans l'islam. Et nos frères qui veulent rentrer dans l'islam ou qui sont nouveaux dans l'islam, il faut enlever ces obstacles de leur chemin. فقبل سنين كانت هناك عقبة اسمها المذاهب فكان معظم الناس في هذه الدنيا يعتقدون أنه يجب على كل مسلم أن يتمذهب بمذهب معين. ودخلت جماعة من اليابانيين في الإسلام وتنازعهم أهل القارة الآسيوية، أهل الهند والباكستان يريدون منهم أن يكونوا حنفية، وأهل جاكرتا وماليزيا يريدونهم شافعية. فتعجب هؤلاء لهذا الأمر، ومن فضل الله عليهم أن وفقهم الله إلى إرسال رسالة إلى خليفة المسلمين في ذلك الوقت في تركيا. وكان من فضل الله على ذلك الخليفة ذلك الوقت أنه كان يثق بعالم جليل وهو الشيخ العلامة المعصومي رحمه الله، وكتب الشيخ رسالة بعنوان رسالة السلطان إلى مسلم اليابان طبعت في هذه السنين الأخيرة بعنوان هل المسلم ملزم باتباع مذهب معين؟ وبين فيها لهؤلاء اليابانيين وللمسلمين عامة أنه لا يلزم المسلم أصلا أن يدخل في أي مذهب. Il y a quelques années en arrière, frère Allah Azza wa Jal, il y avait un obstacle pour ceux qui veulent rentrer en islam, c'est le madahib. Hein? Et beaucoup de gens croyaient qu'il était obligatoire pour chaque musulman de rentrer dans un madhab. Hein? Nous, on reconnaît le madhab, mais on n'est pas sectaire. Il ne faut pas être sectaire pour le madhab. Il faut être sectaire pour la preuve. Il n'y a pas de mal de suivre le madhab al-Maliki ou l'Akada, mais il ne faut pas être sectaire. Il ne faut pas un suivi aveugle. Il faut contre la preuve, contre le madhab. Et ce qui est dit dans le madhab, il n'est pas est en divergence avec la preuve, il faut se cramponner à la preuve. Et un groupe de Japonais sont rentrés dans l'islam. Et les gens de différentes madhab se sont disputés ce groupe. Les gens, évidemment, d'Asie. Les gens de l'Inde et du Pakistan veulent que ces nouveaux convertis japonais rentrent et qu'ils soient hanafites. Les gens de Jakarta et de Malaisie voulaient qu'ils deviennent shafi'ites. Et ces japonais se sont étonnés de cette situation. C'est à l'époque encore où il y avait le khalifa en Turquie. Et par les bienfaits d'Allah Azza wa Jal, Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné cette idée. Ils ont écrit une lettre au khalifa du musulman en Turquie à cette époque. Il parlait bien fait d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ce khalifa à cette époque faisait confiance à un noble savant, hein, qui est cheikh, son éminence, le ma'soum, rahimahullah. Et ce cheikh a lettre par un petit livre qui s'appelle Sultan aux musulmans du Japon. Et cette lettre éditée à notre époque, sous le titre, est-ce que le musulman, est-ce qu'il est obligatoire aux musulmans de suivre un madhab particulier. Et il a montré dans cette rissa-là, aux japonais en particulier, et aux musulmans en général, qu'il n'est pas obligatoire aux musulmans, hein, d'adhérer à... فَكَانَ إِلَى وَقْتٍ قَرِيبٍ مِنَّ هَذِهِ الْمَذْهَبِيَّةُ الْجَامِدَةُ عَقَبَةً فِي دُخُولِ بَعْضٍ الناس إلى الإسلام فهم يفرون من تفرقاتهم في الدين فخذ مثلا الكاثوليك كم فرقة وفي المعتقدات الأسيوية كم فرقة فطبعا عندما يتجهون إلى الإسلام فهم فروا من هذه التمزقات donc jusqu'à quelques années derrière nous qui sont proches de nous المذهبية هذه استغنت était un obstacle pour que certains ne rentrent pas dans l'islam. Il est évident que des gens se sauvent de leur division et de leur divergence pour aller vers quelque chose dans laquelle ils trouvent la quiétude. Prends par exemple les catholiques, combien de groupes? Prends les croyances asiatiques, combien de groupes? Il est évident que ces gens qui sortent de ces croyances asiatiques et de toutes ces religions, de toutes ces fausses religions, ils cherchent, ils s'orientent vers l'islam. Ils se sont sauvés de cette divergence et de ces groupes pour aller vers une voie quiète. Et ces madhab, à cette époque, il y a quelques années en arrière, étaient un obstacle. Voilà qu'il n'a l'an, amamana aqabatun ukhra. وهي عقبة هذه الجماعات المخالفة لمنهج السلف وأعداء الإسلام يستغلون هذا التفرق وأنتم ترون هذه الجماعات أشكال وألوان كما يقال هؤلاء ينشدون في المسجد هؤلاء يجتمعون بالنساء في المسجد ليس بينهم حجاب هؤلاء الأحباش، هؤلاء يدبحون المسلمين، هؤلاء يفجرون، هؤلاء ينشدون، هؤلاء Et utilise cette division. Et vous regardez, vous voyez devant vous ces groupes, hein, des couleurs différentes, des idées différentes, des idéologies différentes. Et certains, hein, leur voix c'est l'anachide. Certains, leur voix comme l'Ahbas, se réunir dans la mosquée, hommes et femmes, et discuter de la religion sans qu'il y ait un hijab entre les hommes et les femmes. Hein. D'autres, pour eux, l'islam, c'est égorger les musulmans comme des moutons, parce qu'ils les ont rendus mécréants. D'autres, c'est faire des pièces de théâtre. D'autres chantent. D'autres font le Globetrotters. Ils font du tourisme sur terre. Et ainsi de suite. Vous entendez des noms. Les Khouan al-Mouflissoun, Hizb al-Tahrir, l'Ahbash, al-Da'wa al-Tablir, Sororia, al-Qutbiya, al-Jihadiya, al-Yassinia, Tala'i'. Et des groupes et des groupes qui n'en finissent pas. وبعض الحكام الأذكياء في بعض البلدان المسلمين استغل هذا أيضا عندما قال له هؤلاء الحراكيون نريد تحكيم الشريعة وتعالوا بعد ذلك انظروا كيف استغل هذا بذكائه هذا التفرق استطاع إسكات هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بالإسلاميين والحركيين. Enfin, Allah Azza wa Jal, certain gouverneur en islam, il y a quelques années, il a aussi profité de cette division. Ces activistes musulmans lui ont demandé, nous voulons appliquer la législation d'Allah. Il les a fait taire. Il leur a dit, allez, soyez d'accord d'abord entre vous sur une législation à mettre en application et venez à ce moment-là, on va voir. Regardez comment il a profité. Et il a utilisé cette division pour les faire taire, pour faire taire ces activistes et ces adeptes de parti qui ne cherchent que le pouvoir. والشاهد إخوة الإسلام أن هذه الفرقة عائق في دخول الناس الإسلام ولذلك لا تعجب عندما سئل أئمة الدين هل هذه الجماعات تدخل في 72 النارية قالوا تدخل لما أليست هذه فرقة بلى وربنا قال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء ويسأل أئمتنا هل هذه الجماعات من أهل السنة والجماعة فيقولون لا لأن موضع السؤال عن الفرقة فهل هذا التفرق من السنة أو من منهج السلف فالجواب طبعا لا ومن هنا نفهم أن هؤلاء المتفرقون ليسوا من أهل السنة في تفرقهم هذا وربنا بين هذا في الآية الكريمة إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. Le témoignage, frère en Allah Azza wa Jal, c'est que ces divisions et ces groupes sont un obstacle pour que certains ne rentrent dans l'islam. C'est pour ça, ne t'étonne pas quand les imams de cette communauté, on leur pose la question sur ces groupes, on leur dit, est-ce que ces groupes rentrent dans les 72 groupes qui vont aller en enfer? Ils disent oui, ils disent oui. Ils font partie de ces 72 groupes. Et c'est parce que, est-ce que ça, ce n'est pas une division? Certes, ça, c'est une division. Alors qu'il est dit dans le verset, ceux qui ont divisé leur religion et se sont constitués en partie, tu ne fais pas partie d'eux. Et à nos imams, on leur pose la question, est-ce que ces groupes font partie des gens de la sunna et de ceux qui sont unanimes sur la sunna? Et ils disent non, parce que, la question se pose sur quoi? Sur la division. Est-ce que cette division maintenant fait partie de la sunna? Il est évident que cette division ne fait pas partie de la sunna. De là, on comprend que ceux qui sont divisés et qui sont en divergence avec la voie du puiseur d'Allah Alim ne font pas partie des gens de la sunna dans leur division. Alors qu'il est dit dans le verset qui est passé avec nous, ceux qui ont divisé la religion et qui se sont constitués en partie, tu ne fais pas partie d'eux. فيأتي السؤال الآن إخوة الإسلام كيف نتعامل مع هذه الفرق وهذه الجماعات المفارقة والمخالفة لمنهج الأنبياء في الدعوة إلى الله. طبعا أهل الحديث أهل السنة السلفيون أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق، فلا يبحثون عن شيء ولا يريدون من الناس شيئا، فقط يريدون منهم، يريدوا أن يأخذوا بأيديهم إلى طريق النجاة، أن يأخذوا بأيديهم إلى رضوان الله. فحبنا لله وبغضنا لله، وهذا من باب التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ليس من باب شفاء الغليل كما يقال، وليس من باب إخراج غيظنا. لا ثم لا. Donc maintenant, frère en Allah, comment, quel comportement et comment agir avec ces groupes? Ces groupes qui sont en divergence avec la voie de nos plusieurs d'Allah alayhim. Comment, quel comportement? Comment agir avec ces groupes qui sont en divergence avec la voie de la da'wah du messager alayhi salatu salam? Il est évident que les gens du hadith, que les gens de la sunna, que les salafiyoun, hein, sont ceux qui connaissent mieux la vérité. Ils sont ceux qui ont de la clémence et de la piété pour les gens et qui veulent le bien pour les gens. Les salafis et les gens du hadith ne cherchent pas, ils ne veulent pas des gens autre chose que de les sauver, de les prendre de leurs mains et de les amener vers la voie qui va les amener vers l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils veulent les sauver de l'égarement tout simplement. L'amour de ceux qui suivent, des disciples d'Al Salaf radhiyallahu alayhim, l'amour il est pour Allah, ils détestent pour Allah. Et tout ce qu'ils font, ils le font pour se rapprocher d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ils assouvissent jamais leur haine contre qui que ce soit. Ils n'avilissent personne. Quand ils critiquent, quand ils montrent les erreurs, c'est par pitié vis-à-vis de celui qui est en divergence vis-à-vis de la sunna. Et pas pour assouvir leur haine. Ils n'ont aucune haine contre qui que ce soit. Ils attirent l'attention tout simplement sur la divergence, sur la déviance, sur l'égarement, sur l'erreur, et ils ne crachent pas leur venin sur qui que ce soit. Et loin de là, c'est un conseil, hein, et c'est la pitié pour autrui, hein, qui les pousse à agir ainsi, parce qu'ils veulent que l'autre aussi soit sur la bonne voie, sur la voie qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. فَإِنْبَغِي لَنَا أَنْ نَكُونَ مُخْلِصِينَ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فإن أحببنا أو أبغضنا فلله، فإن نحن وصلنا شخصا أو هجرنا فليكن كل ذلك لله سبحانه وتعالى. Donc il est de notre devoir, frère en Allah Azza wa Jal, nous devons être sincères pour Allah. Si on aime, on aime pour Allah. On déteste pour Allah. Si on entretient notre relation avec quelqu'un, on le fait pour Allah. Si on met quelqu'un à la quarantaine, on le fait pour Allah. فهؤلاء الذين سلكوا غير سبيل المؤمنين يختلفون منهم الجاهل الذي لا يعرف فهذا يعامل بالحسنى ويرفق به ويبين له ويعلم أما المعاند المكابر الذي يدعو إلى غير سبيل الأنبياء وهو من الرؤوس فهؤلاء يجب التحذير منهم ولا يجوز حضور مجالسهم ولا سماع دروسهم ولا قراءة كتبهم ولا الدخول إلى مواقعهم بل يتقرب إلى الله بهجرهم وبالتحذير منهم. Donc, frères en Allah, Azza wa Jal, ceux qui ont pris notre voie, que la voie de ne plus erdo Allah alayhim, et ils sont des variétés. Il y a l'ignorant qui ne connaît rien. Celui-là, notre comportement avec, comment on doit agir avec, on doit être d'un bon comportement avec, on doit être doux avec lui, on doit lui apprendre et l'éclairer sur la situation. Quant à l'entêté, l'orgueilleux, l'entêté, qui appelle à une autre voie que la voie des puiseurs d'Allah alayhim, et qui suit un autre chemin, donc da'wah, que le chemin des prophètes alayhi salatu wasalam, et qui fait partie des têtes et de ceux qui prêchent, cela, il est obligatoire d'avertir contre eux, de ne pas assister à leurs assises, de ne pas écouter leurs cours, de ne pas lire leurs livres, hein, et de ne pas rentrer dans leur site. On se rapproche d'Allah, subhanahu wa ta'ala, avec le fait d'avertir contre eux. Et d'attirer l'attention des jeunes et de la communauté sur leurs erreurs. فلا بد يا إخوة الإسلام أن نفرق بين المعاند المكابر صاحب الهوى الذي ثبت أنه صاحب هوى ومصر على محاربة سبيل الأنبياء وسبيل المؤمنين. هذا يجب مقاطعته والتشهير به والتحذير منه. أما عوام هذه الفرقة والفرق وجهالهم فيعلموا بالرفق والحسنى. ففي هذه المسألة لا يمكن الحكم بحكم عام هكذا، بل المسألة لا بد لها من التفاصيل، ولكل مقام مقال، ونحن لا بد لنا في هذه المسألة أن نرجع إلى علمائنا ومشايخنا حفظهم الله تعالى. Donc dans cette situation, frère en Allah Azza wa Jal, il faut faire la part des choses entre le prêcheur entêté et celui qui est entêté qui suit ses passions. Et qui a été prouvé que c'est quelqu'un qui suit ses passions et qui s'entête à combattre la voie du prophète alayhi salatu wasalam et la voie du puiseur d'Allah alayhi. Celui-là, il faut s'en éloigner. Il faut le mettre à la quarantaine. Il faut attirer l'attention sur les jeunes et sur les musulmans, sur lui, sur ses erreurs. Il faut avertir contre lui. Quant aux communs de ces groupes et leurs ignorants, il faut leur apprendre avec douceur, avec sagesse. Il faut leur ramener les preuves. Leur offrir des cassettes, des hommes de science, des fascicules d'hommes de science et ainsi de suite. Donc, à ce niveau-là, on ne peut pas avoir une sentence générale, un hukm am. Ce sujet-là a besoin de détails. Et à chaque situation, il y a une position à avoir. Et en tous les cas, notre position à nous, c'est de revenir tout le temps à ce niveau-là. Et en ce qui concerne le fait de mettre quelqu'un à la quarantaine, et d'avertir contre quelqu'un, on revient avant de le faire vers les hommes de science, vers les savants de cette voie, de la voie de l'épuiseur d'Allah alayhim. On ne fait rien de notre tête, on n'agit pas de nous-mêmes, mais on s'éclaire avec la clairvoyance et la science et la sagesse avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a comblé nos imams. Ils sont nombreux et qu'on sache se tourner vers eux. Barakallahu fikum. Quand on a besoin et surtout au moment dans des situations comme celle qu'on vient de citer. Barakallahu fikum. والآن إخوة الإسلام مع المقدمة الأولى مع مقدمة الطبعة الأولى لكتاب الشيخ ربيع حفظه الله تعالى. Et maintenant, frère en Allah Azza wa Jal, avec la première introduction, l'introduction de la première édition du livre de الشيخ ربيع حفظه الله تعالى. يقول حفظه الله تعالى إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. وبعد، فإن الدافع لاختيار هذا الموضوع عدة أمور من أهمها. Il dit, Hafidhahullah Ta'ala, après l'introduction de la sunna, il dit après, ce qui m'a poussé à choisir ce sujet, beaucoup de choses, et fait partie de choses, les choses qu'il va nous citer maintenant. Awalan, anna l'umma l'islamiya akhtalafat fi manahin shatta, aqadiyatin wa ghayriha, wa tafarraqat biha s-subul, fanazawla biha min al-waylat, نتيجة لهذا التفرق ولعدم الاحتكام في قضايا الخلاف إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم ما لا يعلم مداه وفداحته إلا الله من تمزق صفوفهم وتأجج نيران الخلاف والخصومات فيما بينهم ثم تغلب أعداء الإسلام على أوطانهم واستباحتهم لبيضتهم واستعبادهم واستدلالهم. Il dit la première chose qui l'a poussé à écrire ce sujet, c'est que la communauté de l'islam s'est divisée. S'est divisée, il y a eu beaucoup de divisions, même au niveau des croyances. Ils se sont éparpillés sur des chemins. Et beaucoup de malheurs est tombé sur cette communauté à cause de cette division. Et à cause du fait que pour régler leur division et leur divergence, ils ne reviennent pas vers le livre d'Allah et vers la sunna de Muhammad alayhi salatu wa salam. Et il leur état, les malheurs qui leur sont arrivés, la grandeur de ces malheurs ne connaît la grandeur de ces malheurs qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces malheurs sont énormes. La division de leur rang, hein, le feu de la haine qui s'est installé entre eux, les disputes qu'il y a entre eux, et partant de là, les ennemis ont pris le dessus sur eux. Ils ont colonisé et spolué leur pays. Ils les ont avilis. يقول حفظه الله تعالى ثانيا حدوث تيارات فكرية برزت في الساحة الإسلامية بطرق ومناهج لإصلاح حال الأمة وإنقاذها. Il dit حفظه الله تعالى, le deuxième point qu'il a poussé à écrire ce livre, c'est que sur le terrain, dont la communauté musulmane est apparue sur le terrain du courant de pensée, sur le terrain islamique, et des voix qui veulent réformer la situation de la communauté et sauver la communauté. Et il dit, يقول من هذه التيارات تيار سياسي ومنها الفكري ومنها الروحي وكل واحد من هذه التيارات يدعي ممثله أنه المنهج الإسلامي الحق الذي يجب اتباعه والذي لا ينقذ الأمة سواه. Il dit, parmi ces courants qui ont apparu pour réformer la communauté, fait partie de ces courants, un courant politique, des courants politiques, des courants de pensée, des courants spirituels. Et chaque courant qui a apparu dans la communauté prétend, les représentants de ce courant prétendent que c'est eux qui représentent la voie islamique, la voie de la vérité et la voie islamique véridique. Et qu'il est obligatoire de les suivre. Et qu'il n'y a que leur voix qui va pouvoir sauver la communauté. يقول حفظه الله تعالى ومتع به وشافاه وعافاه هذان السببان مع أسباب أخر دفعتني إلى القيام بواجب من أعظم الواجبات وأهمها ألا وهو بيان منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله في ضوء الكتاب والسنة وبيان مزاياه التي لا يشارك فيها وبيان ضرورة اتباعه وحده لأنه الطريق الأوحد الذي يوصل إلى الله ويكسب رضاه وهو السبيل الأوحد لإنقاذ الأمة والموصل إلى السيادة في الدنيا والسعادة في الآخرة. يجي حفظه الله تعالى إك الله سبحانه وتعالى لو يدل السنتي إك الله سبحانه وتعالى لو جيريس et qu'il lui donne une bonne santé, et qu'il le fasse profiter de sa science. Il dit, ces deux causes, avec d'autres causes, m'ont poussé à accomplir ce devoir énorme, cette obligation importante, qui est le fait de donner et d'écrire des éclaircissements sur la voie du prophète, dont Dawa il Allah, à la lumière du livre d'Allah et l'authentique de la sunna du prophète, et de montrer les particularités de cette voie, et de montrer comme quoi aucune voie ne peut s'associer avec cette voie, avec la voie du prophète alayhi sallam. Et de montrer aussi et d'éclairer comme quoi il est obligatoire de suivre cette voie, c'est-à-dire la voie du prophète alayhi sallam, dont da'wa il Allah, car c'est la seule voie et l'unique voie qui va amener vers Allah et qui va faire gagner l'agrément d'Allah azza wa jal. Et c'est la seule voie qui peut sauver la communauté et qui sauvera la communauté et qui amènera à la suprématie dans ce bas monde et au bonheur dans le-delà. Ce sont les deux causes que tu as entendues, frère en Allah Azza wa Jal, pour lesquelles Cheikh Rabi Hafidhahu Allah Ta'ala a écrit ce livre. Wa ba'd yaqoul. Fa inna Allah Ta'ala al-Khaliq al-Bari' al-Musawwir al-Alim al-Hakim. قد خلق هذا الكون العظيم ودبره ونظمه بعلمه المحيط وحكمته البالغة وقدرته الشاملة لحكم جليلة وغايات نبيلة بعيدة كل البعد عن العبث والباطل واللعب. Il dit après, Allah سبحانه وتعالى, le créateur, est celui qui a toute la science, qui fait les choses à la perfection et qui a la perfection complète. Et qui a la perfection complète. Et qui a créé cet univers et qui le gère. Et qui l'a organisé pour une hikmah. Hein, que seul lui il connaît, subhanahu wa ta'ala, wa qala azza wa jal wata, et il a organisé cet univers avec sa science qui englobe tout, sa science, rien n'échappe à la science d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est une énorme science qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin, et avec sa puissance qui n'a pas de début, qui n'a pas de limite, qui n'a pas de fin, qui englobe tout, et pour les énormes sagesses et les buts, et les nobles buts qui sont lointains, et que toute cette créature et tout cet univers n'a pas été fait en vain comme ça. Wa yaqwa'ati al-shaykh bil adillati min al-kitab wa sunnah ala ma qala qala ta'ala wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma baynahuma la'ibin. ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون سورة الدخان. Et Cheikh Hafidhahullah Ta'ala, pour ce paragraphe, il met les versets pour nous montrer pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, et comme quoi Allah subhanahu wa ta'ala, ces cieux et cet univers les a créés pour quelque chose, pour la vérité. Hein? Ils n'ont pas en vain. Il dit dans le verset, nous n'avons pas créé les cieux et la terre et ce qu'il y a entre eux comme ça. Par jeu, mais nous les avons créés pour la vérité, mais beaucoup ne savent pas. Wa qala ta'ala kadhalik hamim tanzilul kitab min Allah al-aziz al-hakim ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma baynahuma illa bil haqq wa ajalin musamma walladhina kafaru amma unziru mu'ridun. Il est dit dans l'autre verset dans sourate al-ahqaf hamim. Tanzil al-Kitab, le livre est descendu d'Allah, le puissant, qui fait les choses à la perfection, qui a la sagesse. Nous n'avons pas créé les cieux et la terre et ce qu'il y a entre. Nous avons créé les cieux et la terre et ce qu'il y a entre avec la vérité. Et pour un terme bien précis. Et ceux qui m'y croient et qui n'ont pas cru à l'avertissement hein, qui leur a été ordonné, donné, donne. Mais ceux qui croient ont donné le dos aux avertissements qu'ils ont reçus. ويقول الشيخ حفظه الله تعالى وخلق الجن والإنس وبين الحكمة العظيمة والغاية الكريمة التي من التي خلقهم من أجلها. Le Cheikh de le dire, Allah a créé les génies et les humains. Il nous a montré la sagesse, la noble sagesse et la grande sagesse et le noble but pour lequel il les a créés. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. Il dit dans le verset dans sourate Dariyat, je n'ai créé les génies et les humains que pour m'adorer. Je ne veux pas d'eux qu'ils me donnent de la subsistance. Je ne veux pas qu'ils me nourrissent. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne la subsistance et qui a la suprême puissance. وقال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. Il est dit dans sourate al-Mu'minun, est-ce que vous croyez que nous vous avons créé en vain comme ça et que vous n'allez pas revenir vers nous? Allah subhanahu wa ta'ala est élevé de ce que vous croyez. Il est le roi. La royauté lui appartient. Il est le réel roi. Il n'est digne d'être adoré que lui. Il est le souverain du trône géant. وقال تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى أي لا يؤمر ولا ينهى. Il est dit dans l'autre verset, est-ce que l'être humain croit qu'il va être laissé libre à lui-même, qu'il ne recevra pas d'ordre et il ne recevra pas d'interdit? وقال تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Il est dit dans sourate la royauté, béni Allah qui a entre ses mains, entre sa main, la royauté de toutes choses, la royauté, et il est capable de toutes choses. Il a créé la vie et la mort pour vous éprouver. Qui fera la bonne œuvre? Il est le puissant, le pardonneur. فأخبر الله سبحانه وتعالى أنه ما خلقهم إلا للابتلاء ليتبين أيهم أحسن عملا بانقياده لمنهج الله واتباعه لرسل الله. الله سبحانه وتعالى annonce en quoi il a créé les génies et les humains pour les éprouver, pour que devienne particulier, pour qu'apparaissent ceux qui vont faire la bonne œuvre, ceux qui vont se soumettre à la voix d'Allah et qui vont suivre les messagers alayhi mustafa sallam. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakum al-ardha firashan was-samaa'a bina'an wa anzala min as-samaa'i ma'an fa akhraja bihi min ath-thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Et il est dit aussi, il cherche de nous citer un autre verset, où Jean, le message est adressé à toute l'humanité. Adorez votre souverain qui vous a créé et ceux avant vous, peut-être vous allez atteindre la piété et acquérir taqwa. C'est lui qui a fait que la terre soit stable pour vous, et une habitation pour vous, et que le ciel un toit pour vous, il a descendu du ciel de l'eau avec lequel il a sorti des fruits comme subsistance et de la végétation et des légumes comme subsistance pour vous. Ne faites pas d'associer à Allah Azza wa Jal en le sachant. Fafi hadihi al-muqaddimati al-oula yubayyinu lana al-shaykh matta'a Allahu bihi al-sababani al-ladayni ja'alahu yaktubu hadha al-kitab. والسبب الأول تفرق المسلمين وتسلط أعداء الإسلام عليهم، والسبب الثاني ظهور أفكار هدامة تدعي الإصلاح. Dans cette introduction, frère en Allah Azza wa Jal, Cheikh Rabi Hafidhahullah Ta'ala nous éclaire sur les deux points qui l'ont poussé à écrire ce livre. Le premier, c'est la division de la communauté et le fait aussi que les ennemis d'Allah, Azza wa Jal, ont pris le dessus sur cette communauté. Le deuxième point, c'est l'apparition de certaines pensées destructives qui prétendent réformer la communauté. واستدل الشيخ بآيات كثيرة ومما استدل به هذه الآية العشرون من سورة البقرة التي ابتدأت هكذا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذه الآية تضمنت أول أمر يمر بنا في المصحف، في المصحف من أوله، وأول أمر نهي يمر بنا في المصحف. فالأمر الأول عبادة الله، وأول نهي نعود نمر عليه في المصحف ألا نجعل لله أندادا أي لا نشرك بالله. فقال أول أمر هو الأمر بالتوحيد في القرآن، وأول نهي هو النهي عن الشرك. فالشيخ أورد هذه الآية في هذه المقدمة ليبين لنا أن الغاية التي من أجلها خلقت البشرية جمعاء، والجن والإنس هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. فكل ما في الكون سخر للجن والإنس لتحقيق هذه الغاية، وهي عبادة الله، إفراد الله بالعبادة، عدم الشرك بالله سبحانه وتعالى. Donc dans cette introduction, cette première introduction, Cheikh Rabi' a cité certains versets du Coran qui nous montre la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala et la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et le but pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé. Et parmi les versets qu'il a cités, c'est un verset dans Sourate Al-Baqarah, le verset numéro 20 dans Sourate Al-Baqarah, où il est dit aux gens, adorez votre souverain qui vous a créé. Ce verset contient le premier ordre qu'on lit dans le Coran. est la première interdiction qu'on lit dans le Coran. Le premier ordre auquel on est confronté dans le Coran, il est dans ce verset. Et la première interdiction à laquelle on est confronté dans le Coran, il est contenu dans ce verset. Le premier ordre, adorez Allah, réservez le culte exclusivement à votre souverain. Et la première interdiction, ne faites pas d'équivalent à Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc le premier ordre, le monothéisme. La première interdiction, s'éloigner de l'associationnisme. Et Cheikh a cité ce verset ici, dans cette introduction, pour nous montrer le but pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé l'humanité, les jinns et les ins, qu'il les a créés pour lui réserver le culte exclusivement. Et que tout ce qu'il a créé dans cet univers, il l'a mis au service des génies et des humains pour accomplir et pour parfaire ce but et pour réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. ففي هذه المقدمة بين الشيخ ربيع حفظه الله تعالى جملة من المسائل وختمها كما بدأها بالغاية العظمى التي من أجلها خلقت الجن والإنس ألا وهي إفراد الله بالعبادة وطبعا هذا له علاقة بالمنهج الدعوة والداعية لا بد أن يدور حول هذه المسألة وأن يجعلها أساسا في دعوته لأنها الغاية التي من أجلها خلق الجن والإنس وسخر له كل شيء. Dans cette introduction, frère en Allah, Azza wa Jal, Cheikh Rabi, Hafidhahullah Ta'ala, nous a cité beaucoup de sujets, beaucoup de points. Mais il a fait la conclusion de cette introduction, il l'a faite avec, comme il l'a commencé avec le but pour lequel il y a eu la création, il a terminé aussi avec le but pour lequel les génies et les humains ont été créés. Et ce but, c'est le fait de réserver le culte exclusivement à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et naturellement, le monothéisme a rapport avec dawa. Il y a un rapport avec la voix dans la dawa des messagers, alayhi salatu wassalam. Et tout prêcheur, tout da'i, il est obligatoire pour lui que son pivot autour duquel il doit tourner, c'est le monothéisme. Son point de départ, c'est le monothéisme. Et qu'il fasse que le monothéisme soit la base et la fondation principale de sa da'wah. Parce que le monothéisme, c'est pour ça que tout a été créé. Le génie et les humains. Et ce que Allah subhanahu wa ta'ala a mis à leur service, tout ça est créé pour le monothéisme. C'est pour ça qu'il faut lui donner cette importance. ويقول الشيخ حفظه الله تعالى فأمرهم أن يقوموا بالغاية التي خلقهم من أجلها هذه اللغة أغضني d'accomplir le but pour lequel ils ont été créés وبيّن لهم أنه قد وفر وهيأ لهم كل الأسباب التي تساعدهم على القيام بمهمتهم العظيمة وحذرهم من الانحراف عن هذه الغاية والتنكر لهذه النعم الجليلة فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ Et Allah, Cheikh Rabi' de nous dire, Allah subhanahu wa ta'ala a montré aux humains et aux génies comme quoi il leur a tout facilité, il a mis tout à leur service. Et il a mis à leur service toutes les causes et tous les moyens qui vont les aider à accomplir ce but pour lequel ils sont créés, qui est le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il les a avertis contre toute forme de déviation et d'égarement, et qu'ils ne doivent pas s'éloigner de ce but. Et qu'ils ne doivent pas donner le dos à ce but. Et qu'ils ne doivent pas être ingrats par rapport aux bienfaits avec lesquels Allah subhanahu wa ta'ala les a comblés. Et c'est noble bienfait avec lequel Allah subhanahu wa ta'ala il les a comblés, et ils ne doivent pas être ingrats en mettant un équivalent à Allah subhanahu wa ta'ala tout en le sachant. Wa qala ta'ala wa laqad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala katirin mimman khalaqna. Et il dit dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset, Allah a honoré la descendance d'Adam. Il leur a facilité le fait de voyager dans le désert et dans les océans. Et il leur a donné les bonnes subsistances. Et il les a élevés par rapport à d'autres qu'il a créés. Il les a élevés à 10 degrés plus haut que d'autres créatures qu'il a créées, Azza wa Jal. Wa ma akram Allah l'insan. Wa ahallahu hadhihi al-manzila al-rafi'a illa li'idami al-ghayati allati khuliqa min ajliha. Ala wa hiya ibadatullah wahdahu wa ta'zimuhu wa tanzihuhu an kulli an-naqais wa an ittikhadhi ash-shuraka'i wal-andad. Ta'ala Allah an dhalika 'uluwan kabira. Et c'est une heure qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, cher, c'est une heure qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné à l'être humain et qu'il l'a élevé à ce degré, c'est parce que il a un but noble à accomplir. Il a été créé pour un but noble. Et ce but noble, c'est de réserver le culte exclusivement à Allah Azza wa Jal et de glorifier Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et de ne pas faire d'associer Allah subhanahu wa ta'ala et de décrire Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit, avec ses nobles noms, ses nobles attributs qui sont parfaits et qui sont au summum du parfait. Et que l'être humain ne doit pas faire d'associer Allah subhanahu wa ta'ala. Wa katiran ma nawwaha Allah bi karamati al-insani wa manzilatihi fi hadha al-kawn wa anna hadha al-kawn qad sukhira li rahatihi وسعادته حتى يؤدي وظيفته ويقوم بغايته التي خلق من أجلها على أتم الوجوه وأكملها. Donc, et beaucoup de fois, Allah subhanahu wa ta'ala parle, il fait, il rappelle, et parlons bien de cet honneur qu'il a, avec lequel il a comblé l'être humain, et la place qu'il lui a donnée dans cet univers. Et comme quoi cet univers, il a été créé pour cet être humain, pour le repos de cet être humain, pour le confort de cet être humain, pour le bonheur de cet être humain, pour qu'il accomplisse sa fonction, et pour qu'il arrive au but pour lequel il a été créé. Et que le but pour lequel il a été créé fait partie des nobles buts. Et qu'il puisse l'accomplir. Allah, il lui a mis à tout à son service pour qu'il l'accomplisse comme il se doit. قال تعالى قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. Il est dit dans le verset dans Sourate Ibrahim, alayhi salam, dit à mes serviteurs qui ont cru, dit Ya Muhammad à mes serviteurs qui ont cru, qu'ils accomplissent la prière, qu'ils dépensent un peu de la subsistance que je leur ai donnée, en public et en privé, en secret et en apparence, avant qu'on arrive un jour où il n'y aura plus de commerce, où il n'y aura plus d'amis intimes, ni d'amitié. Allah qui a créé les cieux et la terre, et il a descendu du ciel l'eau avec laquelle il a sorti les fruits et la végétation comme subsistance pour vous. Il vous a facilité la navigation dans les océans avec son ordre. Il vous a facilité aussi la navigation sur les fleuves. Il a mis à votre service le soleil, la lune, et il a mis à votre service la nuit et le jour. Il vous a donné aussi tout ce que vous lui avez demandé. Et si vous comptabilisez les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous n'allez pas arriver à les comptabiliser. Et l'être humain, il est injuste et il est ingrat. Et l'être humain, « Zaloum kaffar » injuste et ingrat envers lui-même. فهنا انتهت مقدمة الطبعة الأولى للشيخ ربيع حفظه الله تعالى. Ici, c'est arrêté, c'est terminé. Là, l'introduction de la première édition de Cheikh Rabi' Hafidhahu Allah Ta'ala. فالآن مع المقدمة الثانية، مقدمة الطبعة الثانية. Maintenant, avec l'introduction de la deuxième édition. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل نعمة أنعمها علي وأشكره تعالى وأثني عليه ولا أحصي ثناء عليه ولا يستطيع ذلك أحد. Il dit après la louange à Allah et après la prière sur le prophète alayhi salam et sur ses nobles compagnons et ceux qui les suivent, qui suivent leur guidée, il dit toute la louange est à Allah et toute la bonne louange et la louange bénitilée pour Allah subhanahu wa ta'ala pour tout bienfait avec lequel il m'a comblé. Et je le remercie et je lui fais les éloges comme il se doit et personne ne peut faire les éloges Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. Personne ne le peut. يقول حفظه الله تعالى وإن من نعم الله علي وأفضاله أن وفقني على ضعفي. Il dit ici, frère en Allah, Azza wa Jal, et je veux m'arrêter un petit peu là-dessus. Il fait partie des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur moi. Et ses bienfaits sont nombreux sur moi qu'il m'a donner la possibilité, malgré ma faiblesse, malgré ma faiblesse. هذا أخ الإسلام على ضعفي إن دل على شيء إنما يدلك على تواضع الشيخ ربيع فعلى كل ما يقوم به من جهاد ودفاع عن منهج السلف ونصيحة وتوجيه وإرشاد للشباب يقول على ضعفي وكل منا يعرف وكل من يعرف الشيخ يقر بأنه متواضع فالقاصي والداني يعرفه بالتواضع وخفض الجناح ولا يتكبر على أحد رغم مكانته العلمية وشرفه بين أهل العلم ومهما يبذل من جهد في نصيحة لأهل العلم ولطلبة العلم ولشباب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يقول على ضعفي فهذا تواضعه وهكذا يعرفه القاصي والداني وهذه خصلة من خصال أهل العلم. Et il dit حفظه الله تعالى ici il a dit malgré ma faiblesse, cette phrase على ضعفي malgré ma faiblesse tu prouves une chose frère en Allah عز وجل, la modestie de الشيخ ربيع حفظه الله تعالى malgré tout ce qu'il accomplit comme combat sur le sentier de Allah, Azzawajal, comme défense pour la voie du plusieurs d'Allah alayhim, et comme conseil et comme orientation qu'il donne à la jeunesse musulmane à travers la planète, et comme conseil qu'il prodigue aux hommes de science, aux demandeurs de science, aux gouverneurs de certains pays, comme conseil qu'il a envoyé aussi, qu'il a écrit pour les chrétiens, il dit malgré ma faiblesse, et tous ceux qui connaissent Cheikh de près ou de loin savent que c'est un homme modeste. Savent qu'il n'a pas d'orgueil vis-à-vis de qui que ce soit, qu'il ne s'enorgueille pas. Malgré la place scientifique qu'il a, malgré l'honneur et la place qu'il y a dans le milieu des hommes de science. ويجب علينا أن نتعلم التواضع من أئمة هذا الدين. Il nous appartient, frère Allah, عز وجل, à être modeste, comme les hommes de science, de cette voie, qui est la voie de nos plusieurs, d'Allah alim, parce que la voie de nos plusieurs, d'Allah alim, veut de nous cette modestie, veut de nous ne pas être orgueilleux. فيقول حفظه الله تعالى وإن من نعم الله علي وإفضاله أن وفقني على ضعفي أن أصدع بقولة الحق في حدود طاقتي كتابة أو مواجهة فأشكره وأحمده حمدا يملأ السماوات والأرض وما بينهما. Il dit, hein, avec les bienfaits que Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a comblé, il m'a accompli, malgré ma faiblesse, à dire la vérité haut et très fort, et à dire la vérité selon mes capacités, soit avec l'écriture, en écrivant, soit en faisant face, hein, par face à face, soit je remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Je lui fais les louanges comme il se doit. Des louanges qui remplissent les cieux et la terre et ce qu'il y a entre les cieux et la terre. Et il dit, hafidhahu Allah ta'ala, wa as'aluhu thabata ala dhalik ila an alqahu wa huwa radin anni kama as'aluhu al-mazida min at-tawfiq wal-hifdh wal-ri'ayati wal-ri'ayati wa naqulu amin. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت الشيخ وأن يزيده من القوة ومن الجهد وأن يوفقه في الدفاع عن هذا المنهج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه إلى كل خير وأن يطيل عمره في طاعة الله وفي هذا الجهاد الذي هو باب عظيم من أبواب الدفاع عن منهج السلف وعن هذا الدين. إلى حفظه الله تعالى. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala que je reste sur cette voie, constamment sur cette voie, jusqu'à ce que je meure et que je rencontre Allah alors qu'il m'agrée et qu'il m'agrée. Hein, et je lui demande plus d'accomplissement et qu'il me préserve et qu'il me prodigue de la protection. Hein, et nous disons que Allah subhanahu wa ta'ala protège notre chiche et qu'il lui donne la santé. Et qu'il le confirme dans cette voie et dans la défense de nos puiseurs d'Allah alayhim. ولا أنسى ويقول الشيخ ولا أنسى ولله الحمد أنه حينما صدر كتاب منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل أنه قد استقبله الشباب المسلم أنه قد استقبله الشباب المسلم أنه قد استقبله الشباب المسلم الحق في كل مكان بفرح وحفاوة بالغة لأنه وضح لهم دعوة الأنبياء حتى جعلها لهم كالشمس في رابعة النهار وأزال عنها اللبس والتحريف والتلبيس من كتاب قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس لا يهمهم إلا حشد الناس حولهم وحول شعاراتهم المزيفة لا يهمهم أن تكون هذه الحشود من الروافض والمنافقين أو الخوارج المارقين أو غلاة الصوفية الملحدة من العوام وأشباههم من عباد القبور أو من الأصناف التعيسة المنكودة لا يهمهم أن تحتشد حولهم وحول شعاراتهم هذه الأصناف ولو ترتب على ذلك ما ترتب من النتائج الوخيمة في الدنيا والآخرة. Il dit, Hafidah Allah subhanahu wa ta'ala, je n'oublierai pas, et la louange est avant tout, est Allah subhanahu wa ta'ala, quand a apparu le livre, mon livre, la voie du prophète, il y a la sagesse et la raison, la jeunesse musulmane, partout, en tout lieu, l'a accueilli avec réjouissance, parce que il les a éclairés sur la da'wah, et sur la voie de la da'wah du prophète, il leur a donné un éclaircissement sur la voie de la da'wah du prophète, jusqu'à ce que cette da'wah est devenue pour eux claire, comme il est clair le soleil au plein zénith. Et ce livre a dissipé de leur esprit toute forme d'ambiguïté et toute déviation que certains écrivains, dont les cœurs, ce sont des cœurs d'Yal-Shayatin, dans le corps humain, ont immiscé dans leur esprit, et ces écrivains n'ont de souci que réunir des gens, que ramasser des gens, et qu'il y ait plus de gens et beaucoup de gens autour d'eux, et qu'il y ait des gens qui entourent leur devise et leur emblème fausse et dévié. Peu leur importe les croyances des gens, que les gens soient rafidah, qu'ils soient hypocrites, qu'il soit khawarij, qu'il soit extrémiste d'Al-Sofia, ou qu'il soit athée. hein, ou qu'ils soient awam ou semblant de awam parmi ceux qui adorent les tombes, ou qu'ils soient parmi l'espèce malheureuse, et rien ne leur importe. Ce qui leur importe tout simplement, c'est qu'il y ait du monde autour d'eux, ce qui est du monde autour de leur emblème, autour de leur devise. Hein? Même qu'il en découle ce qui va en découler, parmi le mal qui revient à la communauté, et parmi le mal qui en découle dans ce moment et dans le delà. ويقول حفظه الله تعالى لأنهم كما وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها ولأنهم كما وصفهم الرسول الناصح الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم شياطين في جثمان إنس وإلا ما الذي يحملهم ومن دار في فلكهم على النفور والشذوذ عن منهج الأنبياء الواضح النير الذي وضحه القرآن وبين أنه شرعتهم ومنهجهم ألا وهو الدين الخالص توحيد الله في أسمائه وصفاته وتوحيده في ربوبيته وتوحيده في ألوهيته والكفر بالطواغيت قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون Il dit حفظه الله تعالى Ces écrivains sont comme les a décrit Allah subhanahu wa ta'ala, comme les a décrit le messager d'Allah alayhi salatu wa salam. Des prêcheurs sur les portes de l'enfer, celui qui leur répond, il le jette en enfer. Ils sont, comme il les a décrits, celui, le conseiller véridique, le digne du conseil, Muhammad alayhi salatu wassalam, il les a décrits ainsi, des shayatines dans le corps humain. Et il dit, qu'est-ce qui les pousse, et ceux qui tournent autour d'eux, à s'éloigner et à se marginaliser par rapport à la voix du prophète alayhi salam, qui est une voix claire, qui est une voix sur laquelle le Coran nous a éclairé. Et le Coran nous a montré la législation du prophète alayhi salam et les voies du prophète alayhi salam, qui est cette religion sincère pour Allah, qui est le monothéisme, qui est le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, et qui est de reconnaître Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit avec ses noms, ses attributs, et de le reconnaître aussi dans le monothéisme de la souveraineté, et dans le monothéisme de l'adoration, et de mécroire en tout ce qui s'adore en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cher de citer deux versets. Il dit Hafidah Allah ta'ala, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager. Qu'est-ce qu'il a dit le messager à son peuple? Adorez Allah et évitez tout ce qui s'adore en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et évitez tout ce qui s'adore en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a cité un autre verset. Chaque fois, tout messager que nous avons envoyé avant toi, où il lui a été dit, où nous lui avons révélé qu'il n'est digne d'être adoré qu'Allah, adorez-le. ويقول الشيخ حفظه الله ابحث أي دعوة من دعوات الفرق والأحزاب غير السلفية هل ترى فيها عينا أو أثرا لهذا المنهج في مدارسهم أو أفرادهم أو جماعاتهم ثم دلني عليه إن كنت صادقا أما أنا فلا أجد عند هذه الفرق والأحزاب إلا حربا مستعرة على هذا المنهج وعلى أهله ولا أرى إلا الاستخفاف والسخرية بهذا المنهج وبأهله ولا أرى إلا العداوة والبغضاء لهذا المنهج ولأهله ولا أرى إلا الحفاوة والاحترام للدعوات المنحرفة الضالة وأهلها وهذا الأخير قد تراه وتسمعه كثيرا ممن يلبس لباس السلفية وهم إلى خصومها أقرب رحمة تربط بينهم وجاشج وشائج لا يعلمها إلا الله. Et médite bien ce passage, frère en Allah, Azza wa Jal. Donc tu le médites et tu le claques sur la situation que tu vis en Europe, tu vis en France, autour de ce milieu d'Yel Dawa et de ces du'at. Comment ils sont? Comment ils sont les du'at d'Yel Ikhwan, l'UEF, l'Ahbash et autres? Comment ils sont? Quelle haine ils portent pour la voie de la vérité, pour la voie du plaisir d'Allah alayhim. Écoute, cher, il dit, j'ai cherché dans toute forme d'Yel Dawa qui existe, chez ces groupes, chez ces partis, en dehors de la Salafia, je n'ai pas trouvé une trace, ni un œil de la voix des puiseurs d'Allah alim. Ni dans leur voix, ni dans leurs écoles, ni dans leurs individus, ni dans leurs groupes. Si toi tu trouves, cherche si tu trouves, montre-le-moi si tu es véridique. Quant à moi, il dit Shir, je n'ai pas trouvé chez ces groupes et chez ces partis qu'une guerre déclarée et chaude contre cette voix, contre la voix des puiseurs d'Allah alim. Et contre la voie du prophète alayhi salam dans le dawa. Et contre la voie et une guerre contre ceux qui portent cette dawa. Et ils avilissent ceux qui portent cette dawa. Ils se moquent d'eux. Ils se moquent aussi de la voie d'El Salaf, Ridwanullah alayhim, et des Salafis, comme vous le voyez autour de vous. Et je ne vois, il dit, que haine et détestation de cette voie et des gens de cette voie. Et je vois qu'au contraire, ils respectent et ils accueillent à bras ouverts tous les voies de l'égarement et tous les gens des voies de l'égarement. Et dit, ce que je dis là, ce respect qu'il y a, tu peux le trouver aussi certaines personnes et tu le tends de certaines personnes qui mettent l'habit, qui prétendent être salafis, alors qu'ils sont plus proches des ennemis de la salafia. Et qu'avec les ennemis de la Salafia, ils ont des liaisons secrètes que seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît. Fa'huna ashara al-Shaykh hafidhahullah ta'ala ila sinfin min akhtar al-nas, min akhtar al-asnaf ala al-da'wati al-Salafia. Li'annahu kullama ishtadda al-iltibas, ishtadda al-khatar. فعندما يقول أهل العلم عن بعض المنتسبين إلى السلفية أنهم أخطر على المسلمين من اليهود والنصارى، وهذا القول لا ينبغي أن يفهم فهما ينبغي أن وهذا القول ينبغي أن يفهم فهما صحيحا، فهم لا يكفرونهم أبدا، أو يقولون أنهم في الآخرة أشد عذابا من اليهود، أبدا، حاشا وكلا، وإنما يقصدون خطرهم الشديد على المنهج السلفي في هذه الحياة الدنيا. Donc, فهنا الله عز وجل. Ici, Cheikh Rabi, il attire l'attention sur une espèce qui est très dangereuse pour la voie salafia et pour la jeunesse salafie. Parce qu'il déguise la situation. Il prétend être salafi, il parle au nom de la salafia. Ils sont plus dangereux. Et quand les hommes de science disent que certains qui prétendent être salafis sont plus dangereux pour les musulmans et pour la jeunesse musulmane, plus dangereux que les juifs et les chrétiens, il faut bien comprendre cette parole des hommes de science, frère en Allah, azzawajal. Il faut la comprendre comme il se le doit. Ils ne les rendent pas mécréants, loin de là. Ils ne disent pas qu'ils vont être en enfer plus bas que les juifs, qu'ils vont recevoir un châtiment plus douloureux que celui des juifs et des chrétiens. Loin de là. Mais ils veulent attirer notre attention sur le danger de ces gens-là et sur le danger qu'ils présentent pour la voie d'El Salaf et pour la voie d'El Salaf il y a dans ce bas monde. لأنه كلما ازداد الأمر التباسا كلما كانت الخطورة أشد لأن هذا مما يلبس الأمور عند الناس ويجعلهم لا يعرفون الحق ولا أين الحق ولا مع من الحق فترى بعضهم من بعض الدعاة تسمعه في بروكسل وفي ضواحي باريس قال الألباني قال ابن باز قال كذا ويصرح بعدائه للسلفية لا يجوز التسمية بالسلفية لا ربيع ولا شتاء أعوذ بالله أعوذ بالله ومع ذلك يلبس عليك قال ابن تيمية قال ابن باز قال الألباني قال الشيخ مقبل قال كذا وهذا تلبيس شديد وكثير منا يقع كثير من الشباب وقعوا في حبال هؤلاء وأحبوهم بقلوبهم فما استطاعوا الآن أن يفارقوهم. Et donc chaque fois que le déguisement de la situation est énorme, la situation devient dangereuse. Parce que les gens ne savent plus où mettre la tête. Les choses, les gens ne savent plus où il est la vérité, ni avec qui il est la vérité. Tu entends de certains du'hat en Belgique, dans la banlieue parisienne, il y a ainsi un par-ci, par-là, quand il fait son cœur. Inna alhamdulillah, et après, il te ramène des paroles d'El Bloubaz, des paroles d'El Albani, des paroles d'El Cheikh Al-Uthaymeen et autres. Et tu tombes dans le filet. Et en réalité, il porte la haine contre la voie d'El Salaf. On n'a pas le droit de s'appeler Salafi. Hein? Ni Rabi', ni printemps, ni hiver. Parce que Cheikh Rabi', il s'appelle Rabi', et Rabi', ça veut dire le printemps en arabe. Et Roi, il s'amuse avec le mot, il dit ni printemps ni hiver. Regardez cette négligence. Regardez comment il dit. Et pourtant, il dit qala Cheikh Al-Uthaymeen. Et il dit qala Cheikh Ibn Baz, et qala Al-Albani. Et ceux-là sont plus dangereux pour la communauté musulmane et pour la jeunesse salafie que les juifs et les chrétiens. Parce qu'un juif et les chrétiens, il dit n'importe quoi, tu ne vas pas le suivre. Mais celui-là, il te déguise la situation de l'intérieur. Ça ne veut pas dire qu'on les rend mécréants. Loin de là, par Allah, que non. Et quand les hommes de science disent que certains salafis et certains qui prétendent être salafis sont plus dangereux pour les musulmans que les juifs et les chrétiens, ils ne les rendent pas mécréants par Allah. Mais tout simplement, et ils ne disent pas qu'ils vont être en enfer, loin de là. Mais tout simplement, ils attirent l'attention sur leur danger. Parce que quelqu'un qui te ramène des paroles d'hommes de science dignes, il est évident que tu vas tomber dans son filet. Combien de nos frères ont aimé ce genre de prêcheurs. Et maintenant, quand on leur présente leurs paroles et ce qui, et les éloges qu'ils font de Qardawi et qu'ils font de Aïd al-Qarni et qu'ils font de Jama'at al-Ikhwan et Jama'at al-Tabligh, ben, ils n'acceptent plus. Fayaqulu Ahlul Ilm. Qala Ahlul Ilm ala ba'di ha'ula annahum ashaddu ala al-Muslimina min al-Yahudi wal-Nasara. Wa hadha la ya'ni abadan annahum yukaffirunahum. لكن هنا ينبهون على عظم خطر هؤلاء على الإسلام والمسلمون فاليهود والنصارى أو الهندوس لو تكلموا عن الإسلام هل أصلا سيقبل منهم المسلمون كلامهم وهل سينتبهون إليهم طبعا لن ينتبهوا إليهم ولن يعيروا لهم أذنا ولكن هؤلاء المتلبسين بالسلفية إن تكلموا قبل منهم وتؤخذ عنهم الشبهات بسهولة يأتيك في الكلام بكلام الأئمة وكلما ازداد الأمر التباسا كلما كان القبول أكثر وأسهل وهذا الكلام الذي سطره الشيخ مهم أيها الشباب فعوه دونك قال الله عز وجل les juifs et les chrétiens ou les hindous ou les laïcs quand ils parlent de l'islam est-ce qu'à la base déjà un musulman va les écouter ou est-ce qu'il va leur prêter attention il ne va même pas les considérer. Mais ceux qui se déguisent avec la salafia, et qui parlent, et qui te ramènent les paroles des grands imams, il est évident que les ambiguïtés, on va les prendre d'eux facilement. Et chaque fois que la situation, il y a des ambiguïtés sur la situation, et que la situation est déguisée, plus l'acceptation devient facile. Et ces paroles qu'a écrit Cheikh Rabi Hafidhahullah Ta'ala sont énormes, elles sont très importantes. Il faut les méditer, il faut les avoir en face de soi, parce que c'est un énorme conseil qu'il nous a fait, frère en Allah Azza wa Jal. وهذا الأخير الذي نبه عليه الشيخ قد تراه وتسمع كثيرا ممن يلبس لباس السلفية وهم إلى خصومها أقرب رحما بينهم وجائش لا يعلمها إلا الله. حفظك الله يا شيخ ربيع ورعاك وسددك ومتع بك. Regarde cette noble parole de Cheikh Rabi' qui dit, et ces derniers, tu le vois, tu l'entends de beaucoup parmi ceux qui se déguisent avec le vêtement d'Yala Salafia, ils sont plutôt plus proches des ennemis de la Salafia, ils ont une énorme liaison, une liaison solide avec les ennemis de la Salafia, et une liaison que sauf Allah subhanahu wa ta'ala sait. Que Allah subhanahu wa ta'ala te protège, ya Cheikh Rabia. Que Allah subhanahu wa ta'ala te donne la santé et qu'il allonge ta vie dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et dans la défense de cette voie. فَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ وَصَفَ لَنَا الشَّيْخُ هُنَا بِهَذَا الْقَوْلِ يَنْبَغِي إِخْوَةَ الْإِسْلَامِ أَلَّا يَخْفَى عَلَيْنَا قول بعض أهل العلم فيهم فمن أخفى عنا سريرته لن تخفى عنا مودته يعني نعرف الشخص بمن يحيط به وبمن يحب وبمن يدعو. فخذ مثلا، أين ذهب عائد القرنيلة؟ في ضواحي بارز، ذهب إلى مسجد، والمسجد يقال أنه فيه طالب علم، وذهب إلى جماعة التبليغ، إلى مسجد جماعة التبليغ. فما هذا الخلط؟ ما تقولون أنتم في هذا كله؟ فالله عز وجل ce qui nous a décrit le cheikh ici, hafidhahullah ta'ala, il faut le prendre en considération. Il faut pas que ça passe inaperçu. Il faut que ce soit clair devant nos yeux. Et certains nombres de sciences ont dit, celui qui nous cache sa voix, ceux qui nous cachent son secret, sa fréquentation va tout divulguer. Et ses intimes vont tout divulguer. Et on connaîtra la personne à travers ceux qui l'entourent et ceux qui le fréquentent et ses intimes. Prends par exemple et ceux qui l'invitent dans son centre ou dans sa mosquée. Aïd al-Qarni, quand il est venu en Europe, il est parti dans quelle mosquée dans la région parisienne? Parti dans la mosquée d'Yal Sheikh al-Bashir. Il est parti dans la mosquée d'Yal Tariq ibn Ziyad ou Miro. Il est parti dans le centre d'Yal Tiblir. Qu'est-ce que vous dites de Aïd al-Qarni? Vous allez dire que c'est un salafi? Et ceux qui l'ont accueilli? C'est quoi ce mélange? Qu'est-ce que vous dites de ça, barakallahu fikoum? Où il est parti le Jufri quand il est arrivé en Belgique? Il est parti au centre islamique de Belgique. Qui a au centre islamique de Belgique? Les grandes têtes de la dawa. Et que certains veulent nous présenter comme des salafis. فالشخص إخوة الإسلام يعرف بوده بأصحابه وأحبابه وإن ادعى السلفية ولا يرى إلا في أوساط أعداء السلفية الطاعنين فيها وفي مشايخها مباشرة أو لفا ودورانا فأمثال هؤلاء خطرهم عظيم وشديد لأنه يقدم للناس على أنه سلفي وأنه قد زكاه أهل العلم ثم لا يرى إلا بين أعداء هذه الدعوة المباركة ولا يرى عند علماء هذا المنهج الرباني فاحذروا هذا الصنف واعلموا أنه ليس سلفيا حقيقيا وإن زعم وزعم وإن زعم له كذلك et la personne se connaît avec ses intimes avec ses amis même s'il prétend être salafi et qu'on le voit que dans le milieu des ennemis de la Salafia, et de ceux qui critiquent la Salafia, et qui critiquent les savants de la Salafia, directement ou indirectement. L'exemple de cela, et cela sont très dangereux. On les présente aux gens comme des Salafis, et comme quoi certains nombres de sciences leur ont fait leurs éloges, et ainsi de suite. Alors qu'on les voit, qu'entre le milieu des ennemis de la Salafia, et on les voit dans le milieu de ceux qui critiquent les savants de la Salafia. On ne les voit jamais, c'est les hommes de science de la Salafia. Il faut faire très attention à cette espèce et à cette catégorie. Même s'ils disent qu'ils sont salafis, en réalité ils ne le sont pas. Même s'ils le prétendent, même si on le prétend pour eux. J'espère, Inch'Allah, ce passage dans cette introduction d'Yel Sheikh Rabi est très important, frère en Allah, Azza wa Jal. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la vie pour terminer ce livre parce que nous allons apprendre beaucoup sur la voie du prophète alayhi salam et sur la voie de nos plus élevés d'Allah alayhim. Et pour aujourd'hui, nous allons arrêter là, inshallah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum wa ahsallahu ilaykum wa jazakumullahu khairan.